Chapitre 309. L'interdiction de cracher dans la mosquée et l'ordre d'en enlever les crachats et de préserver la mosquée de toute saleté. 1693. D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: cracher dans la mosquée est un péché que l'on répare en enterrant le crachat. Al-Bukhari et Muslim. Le crachat doit être enterré si le sol de la mosquée est constitué de terre ou de sable. Abul Mahasin Ar-Ruwayani, parmi les savants de notre école de l'imam Shafi'i, a dit dans son livre intitulé La mer, certains ont dit qu'enterrer le crachat consiste à le faire sortir de la mosquée. Si le sol de la mosquée est fait de dalles ou de plâtre et que l'on frotte le crachat sur le sol avec par exemple nos chaussures, comme le font beaucoup d'ignorants, cela ne fait qu'aggraver le péché et répandre la saleté dans la mosquée. Que celui qui agit ainsi essuie le crachat à l'aide par exemple de ses vêtements ou de sa main, ou bien qu'il le nettoie avec de l'eau. 1694. D'après Aïcha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vit sur le mur de la Qibla, dans la mosquée, de la morve ou un crachat ou une mucosité, et la nettoya. Al-Bukhari et Muslim. 1695. Selon Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: l'urine et les saletés ne conviennent pas à nos mosquées. Elles, nos mosquées, n'ont en effet été édifiées que pour l'évocation d'Allah ta'ala, le dhikr, et la récitation du Coran. Le narrateur a un doute sur ces paroles. Muslim.